Suite des anecdotes d'Alphonse Allais, tiré du recueil Henri Bouledingue. Le patron, bon au fond. Lucie, ma jolie petite British bonne amie, ma tant blonde, comme disent les poètes, m'a conté une histoire qui fit ma joie. C'est arrivé, paraît-il, en Écosse, mais n'ajoutez aucune importance à ce détail, car la chose aurait pu aussi bien se passer dans le Hanovre, le Rouergue, le Palatinat ou la vallée d'Auge. Ce récit gagnera à être lu par place avec un léger accent anglais. Le jeune Alexander Mark Astroll était un charmant garçon, doué d'une figure avenante et d'une bonne humeur incoercible. De plus, musicien consommé, rompu aux mille séductions de son âge et de son sexe, il excellait à tous les sports, à tous les divertissements, ce qui le faisait rechercher des meilleures familles d'Edinburgh, couturière façon nationale de dire et d'écrire, et d'amour. Malheureusement, toutes ces belles qualités étaient gâtées par l'abominable défaut de paresse. Alexander Mark Astroll était paresseux, comme tous les Loirs de la création, y compris le peintre Luigi Loir lui-même. En outre, il était peu sérieux en affaires. Quand on l'envoyait en course, il demeurait de très longtemps à fumer des cigarettes dans Prince Street, ainsi que font les Français sur les grands boulevards. Et l'occasion se présenta bien souvent, qu'entrant à l'improviste dans le bureau d'Alexander, le directeur le trouva exécutant la danse des claymores, les claymores étant remplacés par des parapluies. Quel bon patron c'était que le directeur de la Central Pneumatic Bank, la Central Pneumatic Bank Limited. Jamais de sa part un mot plus haut que l'autre, jamais un mouvement d'impatience. Quand l'employé avait manqué à ses devoirs, M. Marc Ridolin, c'est ainsi qu'il s'appelait, le mandait dans son bureau, le blaguait un peu, perpétrait parfois un calembour sur son nom et le renvoyait à son affaire. À quelques jours de là, l'adepte ne fait rien à la chose. Le jeune Alexander Mark Astroll s'affaibla d'une physionomie éplorée pour annoncer à M. Marc Ridolin qu'une sétante à lui, Mark Astroll, venait de mourir et qu'il serait bien heureux d'avoir libre sa journée du lendemain afin d'assister aux obsèques de la bonne vieille lady. « Mais comment donc ?» acquiesça l'excellent M. Mark Quiddlin. « C'est trop juste. Amusez-vous bien, mon ami. » Le lendemain de ce jour, le directeur de la Central Pneumatic Bank Limited se promenait avec quelques Français de ses amis. Parmi ces Français se trouvait un nommé Taupin que M. Mark Ridolin s'amusait énormément à appeler Sir Blackburn. On n'a jamais su pourquoi. Avec quelques Français de ses amis, dis-je, quand il aperçut, pêchant dans la Coldfly, petite rivière qui se jette dans le Forth, un jeune homme qui ressemblait furieusement à Alexander Mac Astroll. Si furieusement d'ailleurs que c'était Alexander Mac Astroll lui-même. Le bon patron ne voulut pas déranger son commis d'une opération qui semblait le passionner tant. Mais le lendemain matin, le jeune Alexander fut avisé par un groom que le directeur le mandait dans son bureau. « Ah, vous voilà, mon ami, » fit M. Mark Ridolin. « Asseyez-vous, ou plutôt ne vous asseyez pas, car je n'ai qu'un mot à vous dire. » Alexander ne s'assit pas et le patron continua, en tripotant ses favoris. « La prochaine fois que vous aurez la douleur de perdre madame votre tante, soyez donc assez gentil pour me rapporter une friture. » Un miracle de l'amour. Au dessert, quelqu'un parla des miracles qu'accomplit l'amour. La flamme des souvenances passa dans mes yeux, et voici ce que je contais à tous ces gens. J'étais arrivé le matin même à Liverpool, et je devais m'embarquer le lendemain même à destination de Québec par un steamboat de la Green Moon Line. Qu'allais-je faire à Québec? Je me demande un peu en quoi ce détail peut vous intéresser. Pourtant, comme je n'ai rien à cacher de ma vie passée, je vous dirai que j'allais représenter au Canada une des meilleures maisons de topinambour de Pont-Audemer. Toute la journée, je flânais dans Liverpool. Charmant de flâner dans Liverpool. Sur le coup de 5 heures, je me trouvais sur un quai, près d'un ponton, où vient accoster un petit vapeur qui transporte le monde en face sur la rive gauche de la Mersey. Une jeune fille arriva, qui était plus belle que le jour, beaucoup plus belle que le jour, et en somme, elle n'avait pas de mal, Car pour ma part, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je n'ai jamais rien trouvé d'épatant au jour. Et si délicate elle était. Elle semblait composée de la pulpe de je ne sais quel rêve rose. Impossible de supposer un seul instant que la moindre de ces molécules appartînt au domaine d'ici-bas. Mon Dieu, comme je l'aimais tout de suite. Et ses yeux, et ses cheveux. Ses cheveux surtout, des cheveux de chimère blonde, avec au soleil des reflets d'or clair. Oh, ses cheveux, un élan fou de tendresse haletante me faisait effondrer dans des abîmes, et j'aurais voulu me rouler dans ses cheveux et y mourir très doucement. Les personnes qui me connaissent un peu n'auront pas grand-peine à s'imaginer que, le lendemain, je manquais le départ de mon steamer. Elle s'appelait Betsy Campbell et nous devînmes bientôt les meilleurs amis de la Terre. Je connus son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et en général tout ce qui constitue une famille dans le nord-ouest de l'Angleterre. Puis le Times, cessant d'être marné et les nommés Business s'obstinant à demeurer Business, je dus m'embarquer pour ce malencontreux Canada. Dire les larmes de Betsy Campbell serait une tâche au-dessus de mes forces. J'avais même au pied de mes orgies. Durant ces 7 mois passés à Québec, je n'ai pas dessoulé. Je n'oubliais les cheveux de ma tante jolie. Et puis, devant le parti pris idiot des Canadiens contre le topinambour, je me décidai à revenir en Europe. Une dépêche m'avait précédé. Sur le quai m'attendait « All the family Campbell ». Oh, Betsy, affreuse Betsy! À son aspect, mon visage devint pâle comme celui d'un serpent. C'était-elle pas avisé, ce petit chameau-là, de faire couper ses cheveux? Ses cheveux! Entendez-vous? Ses cheveux! Maintenant, elle semblait un joli, mais effronté petit garçon. Betsy, lui dis-je à présider, vous n'êtes plus la Betsy de mes rêves, avec vos cheveux courts. Vous avez vu en chantant. De grosses larmes s'échappèrent de ses grands yeux d'azur, et je rentrai me coucher au Northwestern Hotel, en face de la statue équestre de Her Majesty Victoria. Le lendemain, comme j'allais prendre congé de ces braves camels, un cri de stupeur rauque s'échappa de ma gorge. Betsy, Betsy, avec ses cheveux innombrables, dorés, plus longs encore qu'en temps. À force d'amour, pendant la nuit, Betsy avait réussi à faire repousser ses cheveux. Chère, chère petite Betsy. Une petite femme bien moderne. Il y avait une fois une petite femme, rudement gentille, et qui avait oublié d'être bête. Je vous en fiche mon billet. Son mari, lui, était laid comme un pou et bête comme un cochon. Les sentiments que la petite femme nourrissait à l'égard de son mari n'auraient pas suffi, pour ce qui est de la température, à faire fondre seulement 2 liards de beurre. Cependant que lui se serait, pour sa petite femme, précipité dans les flammes, dans l'eau, sur un signe d'elle. Des faits de telle nature sont d'ailleurs fréquemment constatables en maint ménage contemporain. Cette gentille petite dame et ce vilain homme croupissaient dans une indigence fâcheuse. L'or ne foisonnait pas dans leur coffre-fort, et même ils n'avaient pas de coffre-fort. L'homme, lui, s'en serait fichu pas mal d'être pauvre, avec 4 sous de charcuterie et un veston d'alpage. Il se trouvait heureux, mais pour sa jolie petite épouse, il souffrait de cette pauvreté, et des voisins l'entendirent souvent répéter « Mon Dieu, c'est si embêtant d'être aussi nécessiteux !» Pour toute ressource, il avait une petite place de comptable dans une maison qui venait de se fonder pour l'importation générale du phylloxéra dans le nord de l'Espagne, en liquidation depuis. Si ses appointements atteignaient 1800 ou 2000, c'est tout le bout du monde. Je voudrais voir la tête que vous feriez avec 2000 francs par an, surtout si vous trouviez l'époux d'une petite femme se drapant plus volontiers de Surat que de Moleskine. Heureusement qu'il était très bête, comme je l'ai dit plus haut, et qu'il coupait dans les racontars de sa gentille compagne. « Combien, disait-elle, crois-tu que j'ai payé cette douzaine de chemises ?»« Dame, répondait l'autre imbécile en se grattant la tête, je ne sais pas trop, moi. »« Pas tant que ça, mon chéri. Ce n'est pas croyable. 48 sous. Tu ne diras pas que je te ruine, hein ? 48 sous ? S'ahurissait-il. Oui, mon ami, 48 sous. T'as laissé pour compte. À dire le vrai, la petite femme exagérait encore avec ses 48 sous. Les chemises en question ne lui avaient pas coûté 48 sous, ni même 40 sous, ni même 20 sous, ni même 10 sous, pas même 2 sous, pas même un sou. Elle lui avait coûté, mettons, un sourire, à cause des jeunes filles qui nous écoutent. Malgré la souvente répétition de ses sourires en ville, le dénuement du ménage augmentait dans de cruelles proportions. Or, un jour que le dîner avait été plus maigre que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire, la petite femme rentra dans la chambre de son mari au moment où ce dernier se mettait au lit. Et voici la conversation qui s'engagea entre eux. Imaginez-vous que la jolie petite dame profère ces mots d'une voix de fée, tandis que son mari rappelle par son timbre le son d'un trombone à coulisses qui aurait séjourné dans la Meuse depuis les déplorables événements de 70. Dis donc, mon chéri, dit-elle, en passant ses bedottes exquises dans les vilains cheveux de l'homme. Ma mignonne, tu ne sais pas ce que je viens de lire au cabinet, dans un vieux journal. Note. Je demande aux lectrices pardon de l'impoétique trivialité de ce détail, mais lorsque, comme moi, on écrit pour la postérité, on s'abolit à tout jamais le droit de broder ou d'arranger les choses. Ne voyez en moi qu'un pâle esclave de la vérité. Lividus servus veritatis. Quoi donc, ma belle chérie ? L'histoire d'un homme à Versailles qui s'était fait assurer sur la vie et qui a touché son assurance en montrant à la compagnie un autre cadavre qu'il fit passer pour le sien. Et alors ? Alors l'homme a touché son assurance. Oui, mais il a été passé. Il a été passé parce que c'était un serin. Moi, j'ai imaginé un truc épatant pour ne pas être passé. À ce moment, ils soufflèrent la bougie et je n'entendais plus rien. La petite femme débitait son idée tout bas et l'homme n'objectait rien. Bientôt, un bruit de baiser, mettons de baiser à cause des jeunes filles qui continuaient à nous écouter. Quelques semaines après les faits que je viens de relater, un homme était trouvé assassiné dans un wagon sur la petite ligne d'intérêt local qui va de Dunkerque à Biarritz. Les papiers qu'on trouva sur lui permirent d'établir son identité. La jolie petite femme palpa, avec des sanglots convulsifs, les 200 000 francs d'assurance. Elle portait ce jour-là une toilette noire véritablement exquise et embaumait le cosmide d'or. Le soir même, elle jetait à la poste, étranger, un mot ainsi conçu. « Mon feu, cher mari, vous savez la frayeur que j'ai toujours éprouvée des revenants. Vous avez été gentil avec moi pendant votre vie. J'espère bien que vous ne m'en mettrez pas après votre mort. » D'ailleurs, le climat de Paris, si salutaire à ma santé, est désastreux pour les trépassés de votre tempérament, celle qui ne vous oubliera jamais. Hélène, sacrifiez-vous donc pour les femmes. Polycipi, je le connus dans une vague brasserie du quartier latin. Il s'installa près de la table où je me trouvais et commanda 6 tasses de café. Tiens, pensais-je, voilà un monsieur qui attend 5 personnes. Et René déduction, car ce fut lui qui dégusta les 6 mocas, l'un après l'autre, bien entendu, car aurait-il pu les boire tous ensemble, ou même simultanément. S'apercevant de ma légère stupeur, il se tourna vers moi et d'une voix nonchalante, qui laissait traîner les mots comme des savates, il me dit « Moi, je suis un type dans le genre de Balzac, je bois énormément de café. » Un tel début n'était point fait pour me déplaire. Je me rapprochai. Il demanda de quoi écrire. Les premières phrases qu'il écrivit, il en froissa le papier et le jeta sous la table. Ainsi fut le pas mal de suivante. Les brouillons de lettres jonchaient le sol. De la même voix nonchalante, il me dit « Moi, je suis un type dans le genre de Flaubert. Je suis excessivement difficile pour mon style. » Et nous nous connûmes davantage. Comme une confidence en vaut une autre, je lui avouai que j'étais né en Honfleur. Une moule vin. Moi, je suis un type dans le genre de Charlemagne. Je n'aime pas beaucoup les Normands. Le malentendu s'éclaircit et je suis d'où il était. Moi, je suis un type dans le genre de Puvis-de-Chavannes. Je suis né à Lyon. Son père, un boucher des Brotteaux, avait tenu à ce qu'il débutât dans la partie. Moi, je suis un type dans le genre de Shakespeare. J'ai été garçon boucher. De la bonne amie qu'il détenait, voici comment j'appris le nom. Moi, je suis un type dans le genre de Napoléon Ier. Ma femme s'appelle Joséphine. La susdite ne trompe pas avec un Anglais. Il n'en ressentit qu'une dérisoire angoisse. Moi, je suis un type dans le genre de Molière. Je suis cocu. Joséphine et lui, d'ailleurs, n'étaient point faits pour s'entendre. Joséphine avait la folie des jeunes hommes à peau très blanche. Et il ajoutait, moi, je suis un type dans le genre de Taupin. Le reste de la phrase se perdit dans la rafale. Nous résolûmes un jour de déjeuner ensemble. Rendez-vous à midi précis. J'arrivais à midi et 1 minute. Il tira froidement sa montre. Moi, je suis un type dans le genre de Louis XIV. J'ai failli attendre. De la sérieuse ophtalmie qu'il avait eue, il se voyait presque guéri et s'en félicitait de la sorte, variant sa formule un peu. Moi, je voudrais être un type dans le genre d'Homère ou de Milton. Et puis, tout à fait éteint son cœur, le souvenir de Joséphine, il en aima une autre, laquelle ne voulut rien savoir. Alors il la tua. Et ce fut l'arrestation. Pressé de questions par le juge d'instruction, il se contenta de répondre, moi je suis un type dans le genre d'Avidin, je n'avoue jamais. Et ce fut la cour d'assises. Là, il voulut bien parler. Moi, je suis un type dans le genre d'Antony. Elle me résistait, je l'ai assassinée. Le jury n'admit aucune circonstance atténuante. La mort. Mal conseillé, Félix Faure ne sut point le gracier. Pauvre gars, je le vois encore. Pierre au blême, les mains liées sur le dos, les pattes entravées, sa malheureuse chemise à grands coups de ciseaux échancrés. Au tout petit jour, les portes de la roquette s'ouvrirent. Il m'aperçut dans l'assistance, se tourna vers moi et d'une voix nonchalante, qui laissait traîner les mots comme des savates, il me dit « Moi, je suis un type dans le genre de Jésus-Christ. Je meurs à 33 ans. » Et Daudet. « Et Daudet ?» me demanda le capitaine Flambeur. « Daudet ? » m'interloquai-je. « Quel Daudet ?»« Eh bien, Daudet, parbleu, l'auteur, Alphonse Daudet. »« À propos de quoi me parlez-vous de Daudet ?»« Pour savoir s'il est un peu recalé. »« Recalé, Daudet. » Alors, subitement, une flambée de ressouvenance m'éclaira. « Ah oui, Daudet. Eh bien oui, il est tout à fait recalé maintenant. »« tant mieux, pauvre gars. » Pour la clarté de ce récit, comme dit Georges Jaunet, il nous faut revenir de quelques années en arrière. Le père Flambeur, un vieux capitaine au long cours de mon pays, le meilleur homme de la terre, extrêmement rigolo, ce qui ne gâte rien, débarqua un jour à Paris pour voir l'exposition de 1889. Le but de ce voyage m'évite à peine de vous indiquer la date. Tout de suite, il arriva au Chat Noir, où je tenais mes grandes et petites assises, et me promut son cicérone. J'acceptai avec joie, le père Flambeur étant un joyeux dépensier de rille, moi pas très riche à l'époque, et pas davantage d'ailleurs maintenant. Ce vieux loup de mer avait une manie étrange, connaître des grands hommes. Je lui en servis autant qu'il voulut. À vrai dire, ce n'était point des grands hommes absolument authentiques. Depuis que ces lignes furent écrites pour la première fois, un riche mariage a sensiblement amélioré ma situation. Ce vieux loup de mer avait une manie étrange que d'être des grands hommes. Je lui en servis autant qu'il voulut. À vrai dire, ce n'était point des grands hommes absolument authentiques, mais les camarades se prêtaient de bonne grâce à cette innocente supercherie, qui n'était point sans leur apporter des choucroutes garnies et des bocs bien tirés. Mon cher Zola, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le capitaine Flambeur. Enchanté, monsieur. Ou bien, tiens, Bourget, comment ça va? Monsieur Paul Bourget, le capitaine Flambeur. Très honoré, monsieur. Émile Zola, autant que je puis me le rappeler, était représenté par mon ami Georges Moinet, avec lequel il a une vague analogie. Quant à Bourget, son pâle sosie se trouvait à une manière de peintre hollandais, dont j'ai oublié le nom, et qui n'a pas dégrisé pendant les 2 ou 3 ans qu'il passa à Paris. Et le reste à l'avenant. Le malheur, c'est que le capitaine Flambeur avait meilleure mémoire que moi et me mettait parfois dans un cruel embarras. Tiens, s'écriait-il tout haut, voilà Pasteur qui entre. Hé, Pasteur, un vermouth avec nous, hein? Régulièrement, Pasteur acceptait le vermouth, À condition que je fasse une absinthe. Pardon, Zola, pardon, Bourget, pardon, Pasteur, et pardon tous les autres littérateurs, poètes, peintres, savants, membres de l'Institut ou pas. Un jour, au tout petit matin, nous passions place Clichy, sur laquelle se dresse la statue du général Moncey, et non pas Moncelet, comme prononce à tort ma femme de ménage. Le piédestal de cette statue est garni d'un banc circulaire en granit, sur lequel des vagabonds s'étalent volontiers pour reposer leurs pauvres membres là. Un nécessiteux dormait là, accablé de fatigue. Son chapeau avait roulé à terre, un ancien chapeau chic de chez Barjot, mais devenu tout un poème de poussière de crasse. Et au fond du château luisaient encore un peu éteintes deux initiales, AD. Tenez, capitaine Flambeur, regardez bien ce bonhomme-là. Je vous dirai tout à l'heure qui c'est. Qui est-ce? Alphonse Daudet. Alphonse Daudet? Celui qui a fait Tartarin de Tarascon? Lui-même. C'est vrai pourtant. Voilà son chapeau avec ses initiales. Ah, le pauvre bougre. Mais il ne gagne donc pas d'argent? Si, il gagne beaucoup d'argent, mais malheureusement, c'est un homme qui boit. C'est égal. C'est bien triste de voir un homme de cette valeur-là dans cette purée. Ah oui, bien triste. Mais pour moi, un homme qui boit n'est pas un homme intéressant. Je ne vous dis pas, mais si on le réveillait pour lui payer à déjeuner, gardez-vous-en bien, Daudet malheureux mais très fier. Alors, très discrètement, le bon papa Flambeur tira une pièce de 100 sous de son porte-monnaie et l'inséra dans la poche de l'auteur des Kamtchatka. J'avais oublié cette histoire. Il a fallu pour me la rappeler que le capitaine Flambeur me demanda l'autre jour, et Daudet? L'acide carbonique. C'était un vendredi soir, le dernier jour que je passais en Amérique, peu d'heures avant de m'embarquer, car la Touraine partait dans la nuit à 3 heures. À une table voisine de celle où je dînais, dînaient aussi deux dames, ou plutôt, comme je l'ai appris par la suite, deux jeunes filles, dont une vieille. Ou même, pour être plus précis, une miss et une demoiselle. La miss était américaine, jeune et très gentille. La demoiselle était française, entre deux âges, et plutôt vilaine. La miss avait, entre autres charmes, deux grands yeux noirs très à la rigolade. La demoiselle s'agrémentait de deux drôles de petits yeux tout ronds, de véritables yeux d'outarde, bornibus. Toutes deux parlaient français, et la demoiselle très correctement. Parbleu, c'est une institutrice. La miss avait un accent et des tournures de phrases d'un comique ahurissant. Je prêtais l'oreille. Je prête assez volontiers l'oreille, fâcheuse habitude, car un séjour, on ne me la rendra pas, et je serai bien avancé. Ô joie, ces deux dames parlaient de la Touraine en termes qui ne laissaient aucun doute. J'allais les avoir comme compagnes de route. Toute une semaine à voir, plusieurs fois par jour, les grands yeux noirs très à la rigolade, la petite miss. Tout de suite, j'espérais qu'on enverrait la vieille moutarde au lit, de bonne heure, alors que très tard, la petite miss et moi, nous dirions des bêtises dans les coins. Cependant, se poursuivait la conversation des deux dames. L'outarde était d'avis qu'on alla tout de suite après dîner au paquebot et qu'on se coucha bien tranquillement. Miss Minnie, car enfin voilà 2 heures que je vous parle de cette jeune fille sans vous la présenter, Miss Minnie disait d'un air résolu: Ah, oh, pas tout de suite, coucher. Allons faire un petit tour avant d'embarquer. On dit pas une petite tour, mais on dit un petit tour. Dentille, la tour Eiffel, ce n'est pas la même chose. Dans le sens de monument, tour est féminin. Dans le sens de promenade, ce mot est masculin. Les questions de philologie m'ont toujours passionné et je crois détenir en cette partie quelques records. Pardon, mademoiselle, intervins-je, l'arrêt que vous venez de formuler n'est pas sans exception. Tour dans le sens du voyage n'est pas toujours masculin. Les yeux ronds de l'outarde s'arrondirent encore, interloqués. Il est masculin pour tous les pays, sauf le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Du coup, ces dames eurent un léger frisson de terreur. J'étais sans nul doute un fou, peut-être furieux, si on le contrariait. Parfaitement, insistai-je. Si l'on dit le Tour de France, le Tour du monde, mais on dit la Tour d'Auvergne. Ma compatriote s'effondra de stupeur. Mais j'eus la joie de voir que Minnie, en bonne petite humoriste yankee, s'esclaffait très haut de mon funny joke. Alors nous voilà devenus des camarades. On fit un petit tour dans quelques roof concerts, on but des consommations exorbitantes, et finalement, on s'échoua près du port dans une espèce de café français où une clientèle assez mêlée tirait une tombola au profit d'un artiste. Minnie gagna 12 bouteilles de champagne, qu'elle n'hésita pas à faire aussitôt diriger sur sa cabine. Pas plus tôt à bord, elle tâta à constater la valeur de son breuvage. Vous me croirez si vous voulez, il était exquis et de grande marque. Rien ne m'ôtera l'idée qu'il ne fût le fruit de l'arsen. Comme toutes les Américaines, Minnie adore le champagne, mais pas tant que soit l'institutrice. La vieille outarde se chargea à elle seule de faire un sort aux trois quarts de la bouteille. Minnie était indignée. Elle me prit à l'écart. « Est-ce qu'elle va boire toute ma champagne, cette vieux chameau ?»« Tâchez lui faire une bonne blague pour qu'elle ait dégoûté de cette liquide. »« Si je l'ai réussi, vis, que me donnerez-vous »« Je vous embrasserai. » »« Quand ?»« Le soir, sur le pont. » »« Quand le monde sont allé coucher. » »« Et vous embrasserez. » »« Bien. » Le mieux que je pouvais, mazette, espérais-je. Dès le lendemain matin, devant l'institutrice, j'amenais la conversation sur le champagne. C'est bon, c'est même très bon, mais il y a certains tempéraments auxquels l'usage du champagne peut être nuisible et même mortel. Ah, vraiment ? Fit la vieille fille. Mais oui, ainsi, vous, mademoiselle, vous devriez vous méfier du champagne. Ça vous jouera un mauvais tour, un jour ou l'autre. Allons donc, vous verrez. « C'est de ça qu'est morte Madame Beechstowe. » J'avais mon plan. Une vieille plaisanterie faite plus jadis à Churchill au cours d'un voyage présidentiaire me revenait en mémoire. Le docteur Marion, dont je n'hésite pas à mêler le nom, à cette plaisanterie du plus mauvais goût, me fournit une petite quantité d'acide tartrique et de bicarbonate de soude. À sec, ces deux corps ne réagissent point l'un sur l'autre. Dissous, ils se décomposent. L'acide tartrique se jette sur la soude avec une brutalité sans exemple, chassant ce pauvre bougre d'acide carbonique qui se retire avec une vive effervescence, à l'instar de ces maris trompés qui claquent les portes pour faire voir qu'ils ne sont pas contents. C'est ce mécontentement bien naturel de l'acide carbonique que les fabricants d'eau de Seltz utilisent pour produire leurs eaux gazeuses. Ou placage de poudre. Ici, il ne faudrait employer l'ingénieux stratagème auquel eut recours naguère Georges Auriol pour éviter les mots « shocking ». Malheureusement, je n'ai pas, comme ce jeune maître, un joli bout de crayon attaché à ma lyre. La seule ressource me reste donc de la périphrase. Je plaçais mes produits chimiques au fond d'un vase d'ordre tout à cime, à l'usage coutumier de la vieille moutarde. Et j'attendis. Le lendemain, je m'amusais beaucoup au récit du docteur. Dès le matin, elle l'avait fait mander et, folle de terreur, lui avait raconté son étrange disposition. Ça moussait et ça faisait pchit. N'auriez-vous pas bu des boissons gazeuses ? Demanda-t-il. Si, du champagne. C'est bien cela, vous ne pouvez pas digérer l'acide carbonique. Ne buvez plus ni champagne, ni soda, ni rien de gazeux. Minnie trouva la farce à son goût. Elle me récompensa, m'embrassant le mieux qu'elle put. Et quand les Américains nous embrassent du mieux qu'elles peuvent, je vous prie de croire qu'on ne s'embête pas. Et encore, j'emploie le mot embrasser pour rester dans la limite des strictes convenances. Début de M. Fock dans la presse quotidienne. Je reçois d'un jeune homme qui signe Fock et qui, si mes pronostics sont exacts, doit être l'un des patrons de la célèbre maison Lou. Fock et compagnie, une sorte de petit conte fort instructif et pas plus bête que les histoires à dormir debout qui relève de ma coutumière industrie. Alors, moi malin, que fais-je ? Je publie le petit conte du jeune phoque, et pendant ce temps-là, je vais fumer une cigarette sur le balcon. La parole est à vous, jeune homme. Un remède anodin. Première partie. Hercule Cassoulet, voyez-vous, c'était un mâle. Il avait 2,10 m environ, du sommet du crâne à la plante des pieds, et ses tripes étaient les plus vastes du monde. Il disait, en parlant du pot d'œuf, « Il est gentil, mais il a l'air bien délicat. » J'ai une gaieté charmante avec cela, et si bon d'enfant que la vue seule de malade suffisait à le faire rire. Or, un jour, chose incroyable, cet homme de bronze prit froid et se mit à tousser. Cependant, qu'on l'entendait doucement retentir dans ses larges narines poilues, les motifs principaux des murmures de la forêt de Wagner, arrangés pour Coryza seul. Comme une femme, comme un veau, comme un simple mortel, Cassoulade était enrhumé. Deuxième partie. Il montra quelque impatience, cria « Ça commence à m'embêter. Je suis bon type, mais je n'aime pas qu'on se foute de moi. » Même ayant publié ce manifeste, il gifla sans exception tous ceux qui avaient l'air de rigoler, se prit aux cheveux avec son chapeau et rapide s'en alla par les grouillantes rues. Examinant les portes farouches, le géant marchait. Enfin, vers le soir, il put lire au-dessous d'une sonnette ces mots gravés dans le plus rare porphyre « Docteur médecin de 3h à 6h ». Après avoir lacéré des paillassons, enfoncé des portes, étranglé de vagues huissiers, il pénètre comme d'obus dans le cabinet d'un prince de la science. Troisième partie. Le prince était un vieux monsieur pâle et grêle, et de qui les traits arborèrent à l'entrée tumultueuse d'Hercule l'expression polie mais réservée de l'antilope des cordillères quand les hasards de la promenade la mettent subitement en présence de la panthère noire du Bengale. Il tenta même de s'enfuir, mais Cassoulade le rattrapa d'une main et de l'autre tal crachoir, à peu près dans le sens que voici. « Je suis un mâle, il me faut un remède sérieux, un remède comme pour 5 chevaux. D'ailleurs, c'est bien simple, si vos médicaments ne me font pas d'effet, je vous casse la gueule. » À cet ultimatum très net, Cassoulade crut devoir ajouter la suivante proclamation. « Je suis bon type, mais je ne veux pas qu'on se foute de moi. » Le docteur, après avoir ausculté son terrible client, fit entendre ces humbles mots. « Allez à Arcachon et baladez-vous sous les sapins. La senteur balsamique des sapins est tout ce qu'il y a de meilleur pour l'affection dont vous souffrez. » Il dit. Et faisant un bond, se barricada dans sa chambre sans réclamer ses honoraires. Quatrième partie. « Allez à Arcachon, » réfléchit Hercule quand il fut dehors. Ça me coûtera très cher. Et puis il me faudra changer de café, ce qui est toujours malsain. Mais j'y pense, s'écria-t-il plaisamment, en imitant le rire bête d'Archimède. Il y a des sapins à Paris. Pourquoi ne pas en profiter? Et il s'en fut, sur la place du Théâtre Français, sapinière redoutable, bois sacré tout le jour, retentissant de cris d'écrasés et d'un horrible mélange de songes d'Athalie et d'imprécations de Camille. Tranquillement, loin de tout refuge, il se coucha sur la chaussée et pendant une heure, d'innombrables fiacres se livrèrent sur son ventre au noble jeu des montagnes russes. « Mais je ne me sens pas mieux !» cria bientôt Cassoulade, que la colère commençait à gagner. « Les sapins ne me font rien du tout. C'est un remède de fillette. » Prophète, il dit encore, « Ça finira mal pour le docteur. Je suis bon type, mais je n'aime pas qu'on se foute de moi. » Et il se retournait, afin de gifler, sans exception, toutes les personnes qui auraient pu avoir l'air de rigoler quand l'omnibus des Batignolles survint et l'aplatit de telle sorte qu'il n'eut plus qu'à réunir dans une bière les morceaux épars du colosse et à mettre le tout dans la terre glaise à Ménilmontant. Miss. Cinquième partie. Hercule Cassoulade patienta quelques jours. Mais quand il vit que décidément l'odeur résineuse du sapin ne guérissait pas son rhume, il se fâcha assez sérieusement. « Mais je ne me sens pas mieux, » hurla-t-il. « Le sapin ne me fait rien du tout. C'est un remède de... » L'indignation l'étouffait. Il brisa le cercueil, brisa la pierre et se rendit chez son médecin. Ce qui se passa dans son interview, nul ne pourra jamais le dire. Tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est qu'on ne trouvera plus désormais aucune trace de l'illustre savant, ni dans ses bottines, ni, chose plus extraordinaire encore, dans le botin. Et Hercule Cassoulade vécut jusqu'à l'âge de 130 ans, parfois dans un cercle de voisins respectueux. Il aimait à conter l'anecdote. Parfaitement, il m'avait ordonné un remède de fillette, à moi, un mâle, un homme de bronze. C'était une cure de je ne sais plus quoi, de pain, de sapin, enfin un remède de gosse. Ça n'a rien fait. Avec l'accent froid et terrible du destin, il ajoutait « Le charlatan me l'a payé. Je suis bon type, mais je n'aime pas qu'on se foute de moi. et d'un regard sévère, il fixait tous ses auditeurs, y compris les femmes et les enfants, prêts à gifler, sans exception, tous ceux qui eussent pu, par hasard, avoir l'air de rigoler. Et voilà, mon petit phoque, vous êtes bien gentil, votre histoire est très drôle. Je vous en laisse toute la gloire, mais vous me permettrez bien que j'en touche le montant, froidement. Et puis, envoyez-moi votre nom et votre adresse. Vous ferez plaisir, sans blague. Un excellent homme distrait. Dans l'hôtel fort confortable d'ailleurs, où je vis depuis plus d'un mois, s'épanouit, si j'en accepte une rare pincée de braves gens, très gentils, toute une portée de mufs ineffables et de bourgeois sans bornes. Oh, ces têtes! Oh, ces conversations! Leur idéal d'art se satisfait au tableau du fécal Bonnat et du Bougreau, spécialiste en baudruche rosâtre. Leur soif de justice sociale s'étanche aux idées de Deschanel ou de Leroy Beaulieu, si tant est qu'ils connaissent seulement de nom ces veules sociologues, comiques à force d'inconscience. Et dévots avec ça, dévots d'un cagotisme à faire vomir Vispense. Ah, les salauds! Et la veine qu'ils ont, qu'on ne soit pas méchant. Vous me croirez si vous voulez, disait ce matin une abominable vieille chipie à son voisin de table. Mais à Paris, dans les quartiers ouvriers, il n'est pas rare de trouver des écailles d'huîtres dans les tas d'ordures. Sic ! Et le voisin de table, au bureau, fatigué par toutes sortes de débauches occultes, se refusait d'accepter une telle monstruosité. « Des huîtres » râlait-il. « Des huîtres !» Et ces gens-là se plaignent. « Pauvre petite douzaine de portugaises, à 12 sous. Pensiez-vous jamais indigner tout le temps le monde orléaniste, clérical et bien-pensant de la Côte d'Azur ? Une rare pincée de braves gens très gentils, ai-je dit en commençant. Heureusement. Et parmi eux, un ménage, un vieux ménage composé, comme cela arrive souvent dans les vieux ménages, d'une vieille dame et d'un vieux monsieur. La vieille dame, toute de bonne grâce et de manie spirituelle. Le vieux monsieur, comme flottant, sans trêve, en quelques nuages de candeur effarée. La dame ressemble à toutes les vieilles grand-mères. Le monsieur rappelle le portrait de Darwin, de ce grand Darwin dont un curé de notre tête disait l'autre jour « C'est encore comme cet idiot Darwin, etc. » Et rien de touchant, comme la continuelle attention dont Lady Darwin, car c'est ainsi que nous la baptisâmes, entoure son vieux naturaliste. Lui, le bonhomme, il est toujours sorti. Et quand on l'interpelle directement, il met un petit temps à descendre de sa chimère. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Selon les circonstances, il s'effare des normes les plus admises pour, la minute d'après, demeurer tout quiet devant le moindre prévu des cataclysmes. Dernièrement, sa femme, au moment du déjeuner, lui mit dans son verre un bouquet de violettes. Le bonhomme, sans se déconcerter pour si peu, jugea seulement que ça n'était pas bien commode pour boire. Comme sa femme insistait sur le symbole, « Tu ne me demandes pas à cause de quoi, ces fleurs ?»« À cause de quoi ?»« Eh bien, notre 30e anniversaire !»« Quel anniversaire ?»« De notre mariage, parbleu !»« Ah, vraiment ?»« Ah, vraiment ?» C'est très curieux. Et devant nos sourires sympathiques, la dame nous mit au courant de la nature de son mari. Le meilleur homme de la création, mais aussi le plus distrait. Imaginez-vous, conte-t-elle en souriant, que le jour de notre mariage, il fit répéter 6 fois à monsieur le maire la question classique « Consentez-vous à prendre pour épouse, etc. ?» À la fin, il s'écria « Oh, je vous demande pardon, monsieur le maire, je pensais à autre chose. » Au cours de la nuit noce, il prie sa femme d'allumer la bougie. « Pourquoi ? » demandait la jeune femme. « Je ne peux pas me souvenir de votre physionomie. » À part ça, d'une exquise montée, d'une tendresse folle, une âme pétrie de concorde et d'harmonie. La vieille dame concluait en riant, « C'est à ce point que je n'ai jamais essayé de faire des œufs brouillés à la maison. » D'un mot, il les aurait réconciliés. Un honnête homme dans toute la force du mot. Je vais raconter les faits simplement. La moralité s'en dégagera d'elle-même. C'était pas plus tard qu'hier. Je ne suis pas, moi, comme mon vieil ami Odon G. de M., dont les plus récentes anecdotes remontent à la fin du XIIIe siècle. C'était pas plus tard qu'hier. J'avais passé toute la journée au polygone de Fontainebleau, où j'assistais aux expériences du nouveau canon de siège en osier. Beaucoup plus léger que celui employé jusqu'à présent en bronze ou en acier, et tout aussi profitable, comme dirait mon vieux camarade, le général Poilu de Sainte-Belonne. Ajoutons incidemment que j'ai rencontré dans les rues de Fontainebleau mon jeune ami Max Lebody, très gentil en tringlot et prenant gaiement son parti de sa nouvelle position. Il voulait me retenir à dîner, mais impossible, préalablement engagé que j'étais aux messes de messieurs les canonniers de l'école. Ce sera pour une autre fois. Après avoir absorbé, en gaie compagnie, quelques verres de l'excellente bière de Baron de Tuchet, j'envahis le train qui, partant à 10h05 de Fontainebleau, devait me déposer à Paris à 11h24. Je précise pour faire plaisir à M. Dopfer. Dans le compartiment où m'amena le destin se trouvaient déjà installés un monsieur et un petit garçon. Le monsieur n'avait rien d'extraordinaire. Le petit garçon non plus. Un tic de famille, probablement. Malgré ma situation dans la presse quotidienne, je consentis tout de même à engager la conversation avec ces êtres dénués d'intérêt. Le monsieur et aussi le petit garçon, son fils. Arrivés de Valence, d'où ils étaient partis à 5h du matin. « Et c'est bien long, disait le monsieur de Valence, toute une journée passée en chemin de fer. »« Pourquoi, dis-je, n'avez-vous pas pris l'express, puisque vous voyagez en première ?»« Ah, voilà, je dus me contenter de cette sommaire explication. » D'ailleurs, la chose m'était bien équivalente. Le monsieur me demanda ce qu'on disait à Paris des nouveaux scandales. Je fis ce que je fais toujours en pareil cas. C'est idiot, mais rien ne me réjouit tant. Je lui fournis une quantité énorme de tuyaux, la plupart contraires à la stricte vérité, et même à simple raison, d'autres rigoureusement exacts, d'autres enfin légèrement panachés. Je lui appris l'arrestation imminente de messieurs Théodore de Viseva et Anatole France, très compromis dans cette regrettable affaire de bidon qui cause un réel chagrin aux vrais amis de la presse. Le great event de la saison, c'était la réouverture du théâtre du Chat Noir. La petite salle de la rue Victor-Massé, ajoutai-je, dans un site de courriériste théâtral, ne désemplit pas, et c'est justice, car on y trouve accouplé la rigolade énorme et le frisson du grand art. Si tu n'es pas content, mon vieux gentilhomme Gabaretier. L'homme de Valence, la belle Valence, m'écoutait, ravi, mais un peu préoccupé de je ne savais quoi. À chaque instant, il croyait devoir consulter sa montre. À 11h05, juste, il se leva, et comme accomplissant l'opération la plus coutumière du monde, il tira la sonnette d'alarme. Je le répète, il tira la sonnette d'alarme. Je me fis ce raisonnement. Cet homme est devenu soudain fou. Il va se livrer aux plus dangereuses excentricités. Mais comme il est très aimable, il tient à m'éviter la peine de tirer moi-même la sonnette d'alarme. Cependant, ralentissait sa marche, le train, et se montrait dans la portière, la tête effarée du conducteur. « Quoi ? Quoi ? Qu'y a-t-il ? » ?»« Oh !» répondit en souriant le monsieur de Valence. « Tranquillisez-vous, mon ami. Il ne se passe rien de nature à altérer la sécurité des voyageurs. Il ne s'agit dans ce moment que des intérêts de la compagnie. »« Les intérêts ? Les intérêts de la compagnie, parfaitement. Ce petit garçon qui est avec moi, mon fils en deux mots, est né le 7 décembre 1887 à 11h05 du soir. Il vient donc d'entrer à 7 minutes dans sa 7e année. » Or, il est monté dans le train avec un ticket de demi-place. Il doit donc à votre administration la petite différence qui résulte de cet état de choses. Veuillez me donner acte de ma déclaration et m'indiquer le léger supplément à verser en vos mains. J'ai tenu à signaler au public cet acte de probité qui nous consolera de bien des défaillances actuelles. Combien d'entre vous, lecteurs et lectrices, vous trouvant dans cette situation, n'aurez rien dit, ne vous croiriez point coupable. Le sens moral fiche le camp, à grands pas, décidément. Des gens polis. Un des phénomènes sociaux qui me consterne le plus, par les temps troublés que nous traversons, c'est la disparition de ces belles manières qui firent longtemps à la France une réputation méritée. Hélas, en fait de talons rouges, il ne me reste plus que ceux des garçons d'abattoir. Ça, j'ai la prétention que ce soit un mot, et un joli. Aussi fus-je délicieusement surpris hier, me trouvant au Havre, et lisant la chronique des tribunaux du Petit Havre, de découvrir une cause où les prévenus donnèrent à la magistrature et à la gendarmerie de notre pays l'exemple rare de la tenue parfaite et du mot choisi. Ceux de mes lecteurs, qui sont bien élevés, et ils le sont tous, seront enchantés de constater que la tradition des bonnes manières n'est pas tout à fait défunte en France. Je ne change pas un mot au compte-rendu si édifiant du Petit Havre. Tribunal correctionnel du Havre. Présidence de Monsieur Delalande, juge. Audience du 2 janvier 1895. Politesse française. Nous avons la prétention d'être le peuple le plus courtois de la terre, et certes, nous ne l'avons pas usurpé, étant donné qu'on retrouve la politesse jusque dans la bouche des locataires de Madame Juliette Pinault. On aurait tort de supposer qu'il y a de notre part, dans cette déclaration, une ombre de mépris pour l'excellente Madame Pinault. Mais celle-ci est directrice d'un humble gardien, et ce n'est point de sa faute si de temps à autre, quelques-uns de ses pensionnaires passent de leur chambre à celle de la correctionnelle. C'est aujourd'hui le cas de Jeanne Le Fustec, âgée de 17 ans, et d'Alphonse Landon, son camarade de chambrée, qu'elle affectionne bien tendrement, qu'elle défend avant elle-même avec beaucoup d'énergie. Que leur reproche-t-on? Premièrement, d'avoir ensemble et de concert, pour parler le langage juridique, soustrait un oreiller à l'horlogeuse. Deuxièmement, de ne posséder ni l'un ni l'autre aucun moyen avouable d'existence. Troisièmement, Jeanne, seule, d'avoir retourné les poches d'un marin avec lequel elle avait trompé son cher Alphonse. Monde bien vulgaire, direz-vous. D'accord. Mais ce qu'il a relevé aux yeux de tous, c'est cette politesse exquise dont nous vous parlions tout à l'heure. Me permettez-vous, monsieur le président, déclare mademoiselle Jeanne, de vous établir la parfaite innocence de monsieur mon amant dans l'affaire du vol. Il était parti chez madame sa mère pour lui présenter ses vœux de nouvelle année, tandis que je causais au coin du quai avec un monsieur de la douane qui faisait le quart. Je ne sais pas au juste, messieurs, réplique le prévenu, si c'est monsieur le douanier qui faisait le quart, mais je vous puis vous assurer que mademoiselle, ma maîtresse et moi sommes innocents. Notre chambre fermait très mal, et un inconnu aura chuppé l'oreiller pendant que nous étions absents. Faute de preuves contraires, les inculpés gagnent cette première manche. Madame Jeanne se défend, avec non moins de correction, d'avoir plumé un matelot. Je vous avoue, dit-elle, qu'il m'est arrivé de trahir la foi jurée. J'ai un fait pour ces messieurs de la flotte. Mais loin de les dépouiller, je me fais un cas de conscience de ne pas même les écorcher. D'ailleurs, si un membre de la marine française m'accuse, montrez-le-moi. Vous savez bien qu'il est en mer. Alors, n'en parlons plus, monsieur le président. De fait, on n'en parle plus. Malheureusement, pour ce couple plein d'urbanité, il reste à dire un mot sur l'état social. Le propre de cet état est de ne pas exister. Des renseignements très précis prouvent que mademoiselle Jeanne tient un commerce de faveur pour lequel on ne délivre aucune patente et que son excellente amie avait une large part dans les bénéfices. Aussi est-ce bien en vain cette fois qu'il se congratule. Monsieur mon amant exerce la profession de journalier. Mademoiselle ma maîtresse vivait des ressources de mon travail. Discours inutile. Tous deux vont vivre aux frais de l'État pendant un mois. Ils prennent du reste la chose de la meilleure grâce du monde et saluent le tribunal. Puis, s'inclinant devant le sort d'armes qui se dispose à les emmener, lui disent en souriant: Après vous, monsieur le gendarme. Mais pendant de répondre sur un ton qui n'admet pas de réplique, je n'en ferai rien. Signé PL. Si je n'avais l'horreur des plaisanteries faciles, j'ajouterais que la demoiselle Jeanne Le Fustec est trop polie pour être honnête. Mais je n'en ferai rien, considérant qu'on ne doit jamais insulter une femme qui tombe, même avec une fleur. Véritable révolution dans la mousqueterie française. À Nice, cet hiver, j'ai fait connaissance d'un ingénieux et téméraire lieutenant de chasseurs alpins qui s'appelait Élie Coïdal. J'eus même l'occasion de parler de lui naguère au sujet de sa géniale bicyclette de montagne. Dis-moi, lecteur, dis-moi, t'en souviens-tu? En se quittant, on s'était juré de s'écrire. C'est lui qui a tenu parole. Camp de Chalon, 19 avril. Mon cher Allais. Hélas, oui, mon pauvre vieux. Cette lettre est datée du camp de Chalon, un port de mer dont tu ne peux pas te faire une idée, même approchante. Comme c'est loin, Nice et Monte-Carlo et Beaulieu. T'en rappelles-tu notre déjeuner à Beaulieu? Et la fureur de la dame quand le soir, tu lui racontes qu'on avait déjeuné vis-à-vis de la Grande Bleue. Elle l'a cherchée au casino, cette Grande Bleue, pour lui crêper le chignon. À parler sérieusement, je te dirai que je suis détaché jusqu'au 15 juillet à l'école de tir, ce qui ne comporte rien de spécialement récréatif. Loin des plaisirs mondains et frivoles, je me retrempe à l'étude des questions techniques susceptibles de rendre service à la France. Je ne me suis pas endormi sur le laurier de ma bicyclette de montagne. J'ai travaillé le fusil et j'ai la prétention d'être arrivé à ce qu'on appelle quelque chose. Un article publié au commencement de ce mois dans les journaux parlait louangeusement d'une nouvelle balle évidée de calibre 5 mm. Si la réduction du calibre produit des résultats si merveilleux, pourquoi ne pas arriver carrément au calibre de 1 mm? 1 mm, vous récriez-vous? Une aiguille alors? Parfaitement, une aiguille. Et comme toute aiguille qui se respecte à un chat, beaucoup de personnes dévorées par le démon de l'analogie disent le chat d'une aiguille. Le chat s'est achaté. Ces personnes ont droit. Ces personnes ont tort. On doit écrire le chat, CHAS. Becherel, que je viens de consulter pour illuminer ma religion, ajoute une notice rétrospective et suggestive, éminemment. Se disait autrefois de la fente de deux poutres, on dit maintenant travée. Travée. J'aurais beaucoup de peine à me faire à ce mot-là. Et comme toute aiguille qui se respecte a un chat et que tout chat est fait pour être enfilé, j'enfile dans le chat de mon aiguille un solide fil de 8 km de long, de telle sorte que mon aiguille, traversant 15 ou 20 hommes, ces 15 ou 20 hommes se trouvent enfilés du même coup. Le chat de mon aiguille, j'oubliais ce détail, est placé au milieu. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de chats, de façon qu'après avoir traversé son dernier homme, l'aiguille se place d'elle-même en travers. Remarquez que le tireur conserve toujours le bon bout du fil. Et alors, en quelques secondes, les compagnies, les bataillons, les régiments ennemis se trouvent enfilés, ficelés, empaquetés, tout prêts à être envoyés dans les lieux de déportation. Le voilà bien, le fusil à aiguille, le voilà bien. Suivent quelques détails personnels, dont des destinés à la publicité, et des formules de courtoise sympathie qui n'apprendraient rien au lecteur. Signé Hélicoïdal. Et dire que les comités n'auront qu'un cri pour repousser l'idée, pourtant si simple et si définitive, de mon ami, le lieutenant Hélicoïdal. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que le lieutenant Hélicoïdal n'est pas de l'artillerie. Il est défendu, paraît-il, un chasseur alpin d'avoir du génie. Voilà, nous en sommes après une trentaine d'années de République. La vraie maîtresse légitime, sur un éclat de rire approbateur de son mari ou de son amant, j'ignorais encore, la jeune femme reprit, avec une assurance non dénuée de culot, le récit de leur aventure. D'abord, moi, quand j'étais jeune fille, il y a une phrase qui revenait souvent dans la conversation des personnes graves et qui m'intriguait beaucoup. Les personnes graves répétaient à mi-voix, et avec des petits airs pudiques et idiots, on ne doit jamais se conduire avec sa femme comme on se conduit avec sa maîtresse. Dans mon vif désir de m'instruire, je m'informais. Comment se conduit-on avec sa femme? Comment se conduit-on avec sa maîtresse? Et il fallait voir la tête ahurie des bonnes femmes. Au fond, je crois qu'elles n'avaient sur ce sujet que des notions superficielles. Alors, elles me faisaient des réponses flasques et mucilagineuses. Eh bien, mon enfant, voici. Les messieurs tiennent devant leur maîtresse des propos qu'ils ne doivent pas tenir devant leur femme. Ces messieurs vont avec leur maîtresse dans des endroits où ils ne doivent pas amener leur femme, etc., etc. J'avais beaucoup de peine à me payer de ces raisons, et un jour, je faillis flanquer une attaque d'apoplexie à une grosse dame pudibonde en lui demandant froidement: Est-ce que les messieurs embrassent leur maîtresse d'une certaine façon qu'ils ne doivent pas employer avec leur femme? À part moi, je me disais confidentiellement, « Toi, ma petite amie, quand tu seras mariée, tu prieras ton mari de te traiter en femme légitime d'abord, et puis ensuite en maîtresse, me réservant bien entendu de choisir le mode de traitement qui conviendrait le mieux à mon tempérament. » Vous parliez, approuvais-je chaudement, en femme libre et débarrassée de tout préjugé mondain. Oh, vous savez, les préjugés mondains, étant toute petite, je m'asseyais déjà dessus. Mais continuez, je vous prie, madame, le récit de ce qui vous advint par la suite. Malgré ma détestable réputation dans le monde, je me mariais tout de même et j'épousais Fernand, ce mauvais sujet-là. N'est-ce pas, Fernand, que tu es un mauvais sujet ? Détestable, petit rat, et combien répréhensible. Quand je rentre en moi-même, je prends des bottes d'égoutier. Et moi, trois épaisseurs de scaphandre. Quelques baisers s'échangèrent alors pour démontrer que ce dégoût, évidemment joué, de leur moi n'était pas mutuel. Et la jeune femme poursuivit. Vous imaginez peut-être qu'une fois mariée, le monde allait nous ficher la paix avec les différents procédés qu'on emploie à l'égard des maîtresses et des légitimes ? Ah ben oui ! Au contraire, cela ne fit que redoubler. On aurait juré que mes parents et ceux de Fernand s'étaient donné le mot pour nous raser de leur jérémiade bourgeoise. À les entendre, on ne pouvait s'embrasser un peu qu'après avoir poussé le verrou de sûreté. Heureusement que Fernand et moi, nous ne sommes pas des types à nous laisser racler les côtelettes longtemps et impunément. Racler les côtelettes ? Oui, raser, quoi. Nous nous rebiffâmes avec une sombre énergie et une peu commune trivialité d'expression. Un jour, dans un grand dîner chez les parents de Fernand, je me lève au dessert et je vais embrasser mon petit mari, tête de ma belle-mère. Alors moi, devant tout le monde, vous avez donc peur que la police ne vienne fermer votre boîte ? Il faut vous dire que le père de Fernand est président du tribunal civil de B, et tout le temps comme ça. Mais le pire, et c'est ce qui nous a tout à fait fâchés avec nos familles respectives, c'est la blague que nous fîmes l'été dernier à nos deux vénérables familles. Quand j'y pense, j'en suis encore malade. Je ne demande qu'à gagner votre maladie. Oh, vous allez voir, ce n'est pas bien méchant à raconter. Mais quand on a vu la tête des gens, nous avions loué à Enqueville un délicieux petit pavillon dormant couvert de chaume. Chaume, sweet chaume, très drôle, chaume, sweet chaume. Un pavillon dormant que Fernand eut l'idée de baroque de baptiser Bombay Cottage. Mes parents virent passer une quinzaine chez nous et les parents de Fernand une autre quinzaine. Ils étaient enchantés de notre installation. Bombay Cottage par-ci, Bombay Cottage par-là. Or, ce n'est qu'à la fin de la saison qu'ils s'aperçurent du déplorable et charmant calembour appellation de notre home, Bombay Cottage, Bombay Cottage. Ces pauvres gens, du coup, se crurent déshonorés, rompirent définitivement et nous coupèrent les vivres, ou tout au moins ce qu'ils purent nous en couper. Alors que fîmes-nous, Fernand et moi ? Ça, si vous le devinez, vous serez un rude malin. Je ne suis pas un rude malin. Eh bien, purement et simplement, Fernand et moi, nous demandâmes le divorce et nous l'obtîmes. De sorte que nous ne sommes plus mariés et femmes, mais amants et maîtresses. Alors personne n'a plus rien à nous dire. Nous rigolons comme des vieilles baleines et pas plus tard que la semaine dernière, nous nous sommes fait fiche à la porte de trois hôtels de Cannes. Ohé, ohé ! Et quand quelquefois vous remariez ? Oh, pas avant qu'on soit devenu des vieux types ridicules. Pas mon petit Fernand ? Et Fernand, secouant la cendre de sa pipe. À qui ça ? Dressage. Dimanche dernier, aux courses d'Auteuil, je fis la rencontre du Captain Cap et je ressentis, de cette circonstance, une joie d'autant plus vive que je croyais pour le moment notre sympathique navigateur en rade de Bilbao. La journée de dimanche dernier n'est pas tellement effondrée dans les abîmes de l'histoire qu'on ne puisse se rappeler l'abominable temps qui sévissait alors. Mouillé pour mouiller, conclut Cap après salutation d'usage. J'aimerais mieux me mouiller au sein de l'Australian Wine Store de l'avenue Daylow. Est-ce pas votre avis ? J'abonde dans votre sens, Captain. Alors filons. Et nous filâmes. Qu'est-ce qu'il faut servir, ces messieurs ? Demanda la gracieuse petite patronne. Ah, voilà, fit Cap. Que pourrait-on bien boire ? Pour moi, fis-je. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. en sorte que je vais m'envoyer un bon petit corpse reviver. C'est une idée, moi aussi. Je vais m'envoyer un bon petit corpse reviver. Préparez-nous, madame, deux bons petits corpse reviver. Je vous prie. À ce moment, pénétra dans le bar un homme que Cap connaissait et qu'il me présenta. Son nom, je ne l'entendis pas bien, mais sa fonction, vivrai-je aussi longtemps que toute une potée de patriarches, je l'oublierai jamais. L'ami de Cap s'intitulait modestement « chef de musique à bord du Goubet ». Notez que le Goubet est un bateau sous-marin qui doit juger dans les 10 tonneaux. Vous voyez d'ici l'embarquement d'un fanfare. Cet étrange fonctionnaire se mit à nous conter des histoires plus étranges encore. Il avait passé tout l'été, affirmait-il, à dresser des moules. La moule ne mérite aucunement son vieux renom de stupidité. Seulement voilà, il faut la prendre par la douceur, car c'est un mollusque essentiellement timide. Avec de la mansuétude et de la musique, on en fait ce qu'on veut. Allons donc, parle-leur, moi qui vous parle. Et le Captain Cap vous dira si je suis un blagueur. Je suis arrivé, jouant des airs espagnols sur la guitare, à me faire accompagner par des moules jouant des castagnettes. À ce que j'appelle un joli résultat. Entendons-nous, je ne dis pas positivement que les moules jouaient des castagnettes, mais par un petit choc répété de leurs deux valves, elles imitaient les castagnettes, et très en mesure, je vous prie de le croire. Et rien n'était plus drôle, messieurs, que de voir tout un rocher de moules aussi parfaitement rythmique. Je vous concède que cela ne devait pas constituer un spectacle banal. Pendant tout le récit du chef de musique du Goubet, Cap n'avait rien proféré, mais son petit inquiet ne présageait rien de bon. Il éclata. « Oh, voilà-t-il pas une affaire de dresser des moules? C'est un jeu d'enfant. Moi, j'ai vu 10 fois plus fort que ça. » Le chef de musique du Goubet ne put réprimer un léger sursaut. « 10 fois plus fort que ça? 10 fois? 1000 fois! J'ai vu en Californie un bonhomme qui avait dressé des oiseaux à se poser sur des fils télégraphiques selon la note qu'il représentait. » Quelques explications supplémentaires ne seraient pas inutiles. Voici. Mon bonhomme choisissait une ligne télégraphique composée de 5 fils, lesquels fils représentaient les portées d'une partition. Chacun de ces oiseaux était dressé de façon à représenter un ut, un ré, un mi, etc. Pour ce qui est des temps, les oiseaux blancs représentaient les blanches, les oiseaux noirs, les noirs, les petits oiseaux, les croches, et les encore plus petits oiseaux, les doubles croches. Mon homme n'allait pas plus loin. C'était déjà pas mal. Il procédait ainsi. Accompagné d'immenses paniers, recelant ses volatiles, il arrivait à l'endroit du spectacle. Après avoir ouvert un petit panier spécial, il indiquait le ton dans lequel s'exécuterait le morceau. Une couleuvre sortait du petit panier spécial, s'enroulait autour du poteau télégraphique et grimpait jusqu'au fil entre lesquels elle s'enroulait de façon à figurer une clé de fa ou une clé de sol. Puis l'homme commençait à jouer son morceau sur un trombone à coulisses en osier. Pardon, Cap, de vous interrompre. Un trombone à coulisses? En osier, vous n'ignorez pas que les paysans californiens sont très experts en l'art de fabriquer des trombones à coulisses avec des brins d'osier. Je n'ai fait que traverser la Californie sans avoir le loisir de m'attarder au moindre détail ethnographique. Alors, à chaque note émise par l'instrument, un oiseau s'envolait et venait se placer à la place convenable. Quand tout ce petit monde était placé, le concert commençait, chaque volatile émettant sa note à son tour. La petite patronne de l'Australian Wine Store semblait au comble de la joie d'entendre une si mirifique imagination. Et, comme nous manifestions une vague méfiance, elle se chargea de venir au secours de Cap avec ces mots qu'elle prononça gravement. « Tout ce que vient de dire le Captain est tout à fait vrai. Moi, je les ai vus, ces oiseaux mélomanes. » C'était, n'est-ce pas, Cap, sur la ligne télégraphique qui va de Tablacktown à Lookfork Place, une industrie intéressante. D'un seul coup, Cap lampa le large verre de Manitoba qu'on venait de lui servir et me dit « Alors ça, vous embête tant que ça, la pénible incertitude de vous pataugez. » « Quelle pénible incertitude ? Dites-moi, Captain, de savoir au juste où vont les vieilles lunes. » Moi, je vous assure bien, Cap, que les vieilles lunes sont parfaitement libres d'aller où on leur semble, et que jamais je n'irai les équerrir. » Comme si son oreille eût été de granit, Cap persista. « Et aussi les neiges en temps, mon pauvre ami, l'angoisse vous étreint de leur destinée. Ainsi que le poisson d'une pomme, je me soucie des neiges d'antan. Ah certes, Cap, je suis torturé par une hantise. Et mes hantises plus humaines, celle-là. Et j'en meurs. Je croyais que Cap allait s'intéresser à ma peine et m'interroger. Que non point. Et aussi les vieux confettis, n'est-ce pas ? Continua-t-il immuable. Cette fois, je changeai mes batteries d'épaule et, pour déconcerter son parti pris, je finis de m'intéresser prodigieusement au sort des vieux confettis. « Ah, les vieux confettis !» m'écriai-je, les yeux blancs. « Où vont les vieux confettis ?» Cap tenait son homme. « Je vais vous le dire, moi, où vont les vieux confettis ?» Et pour donner un peu de cœur au ventre de Cap, je priai le garçon de nous remettre deux excellents Manitoba. « Les vieux confettis ? Il n'y a pas de vieux confettis. Ou plutôt, il n'y en aura plus. Allons donc, et comment ce phénomène ? À cause de la nouvelle société centrale de lavage des confettis parisiens, dont je préside le conseil d'administration. Ah, vous m'en direz tant. Rien de plus curieux que le fonctionnement de cette industrie. Je sors de l'usine et j'en suis émerveillé. Des détails, je vous prie, Cap. Ah, voici en trois mots. Le lendemain du mardi gras et autres jours fous, des employés à nous, munis de matériel ad hoc, ramassent tous les confettis gisant sur le sol parisien et les rapportent au siège social 237 rue Mazagran. Bon, on les soumet à une opération préalable qui s'appelle le triage et qui consiste à séparer les confettis secs des confettis mouillés. Les premiers passent au ventilateur, ils les débarrassent de la poussière ambiante, c'est le dépoussiérage, je l'aurais parié. Cela, il n'y a plus qu'à leur faire subir le défroissage, opération qui consiste à les défroisser, précisément au moyen d'un petit fer à repasser élevé à une certaine température. Restent les confettis mouillés. On les mène au moyen de larges trémies épicycloïdales dans de vastes étuves où ils se dessèchent. C'est ce que vous appelez le dessèchage, hein ? Précisément ! Une fois desséchés, les confettis sont violemment projetés dans une boîte dont la forme rappelle un peu celle d'un parallépipède. Cette boîte est munie d'une petite fente imperceptible de laquelle s'échappent, un à un, chacun des petits disques de papier. À la sortie, le confetti est saisi par une minuscule pince à articulation et soumis à l'action d'une mignonne brosse électrique et vibre-t-il. C'est ce que nous appelons le brossage, précisément. Une autre sélection s'impose. Parmi les confettis ainsi brossés, il s'en trouve quelques-uns maculés de matière grasse, phénomène provenant de leur contact avec les ordures ménagères. Ces derniers sont soigneusement séparés des autres. C'est ce que vous appelez le séparage. Précisément, les confettis gras sont trempés dans une solution de carbonate de potasse qui saponifie les matières grasses et les rend solubles. Il ne reste plus qu'à les laver à grande eau pour les débarrasser de toute réaction alcaline. Nous obtenons ce résultat au moyen du lavage à grande eau, précisément. Alors on les remet à l'étuve, on les repasse au fer chaud, et voilà. Vous croyez que c'est tout ? Dame, eh bien vous trompez, l'opération est à peine commencée. Une nuance d'effroi se peignit dans mes yeux. Le moment sonnait d'ailleurs de quelques solides cocktails. Vous n'ignorez pas, reprit Cap, combien il est pénible de recevoir des confettis dans la bouche ou dans l'œil. Croyez-moi, j'ai passé par là. Désormais, ce martyr sera des plus salutaires. Les confettis, au moyen d'une imbibition, dans des liquides de composition variable, acquièrent des densités différentes. Les plus lourds se dirigent vers la bouche, les plus légers dans l'œil. Ce calcul fut, entre parenthèses, d'une détermination assez délicate. Mieux le pas d'alcool. Les confettis destinés à la bouche sont imprégnés de principes balsamiques infiniment favorables au bon fonctionnement des voies respiratoires. Laissez-moi parier que les confettis destinés aux yeux sont chargés d'éléments tout pleins de sollicitude pour les organes de la vue. Ah, ne peut rien vous cacher à vous. À la vôtre, mon cher Cap. Dieu vous garde, mon vieil aller.